Nous sommes en compagnie de Sylvain Chatty, enseignant-chercheur à Paris 7 et astrophysicien au CEA. Quels sont, Sylvain, les instruments de la panoplie de l'astrophysicien qui court après des observations, d'ailleurs aléatoires, hein, parce qu'on ne sait jamais vraiment quand le phénomène va se produire, dans les systèmes binaires compacts. De quels instruments disposez-vous et dire après quoi courez-vous ? Mais je dirais après tous les instruments. Ouais. Parce que c'est justement ce qui fait un peu la difficulté de ces objets-là, en même temps leur particularité, c'est qu'ils émettent dans absolument toutes les longueurs d'onde. Alors, l'étoile compagnon en particulier, elle émet bien sûr dans le visible, en infrarouge, en ultraviolet, même un petit peu en X. L'étoile à neutrons, elle va émettre dans les X. Mais dès que vous mettez de l'accrétion de matière, c'est de la matière qui a été attirée, qui provient de l'étoile compagnon et qui va être accumulée autour de l'objet compact. Ça chauffe. Ça chauffe beaucoup, à des températures de plusieurs dizaines de millions de degrés, et là vous créez des rayons X. Donc rayons X, ça veut dire aussi ultraviolet, et ce disque d'accrétion, plus vous allez loin de l'objet compact, plus il va émettre dans des rayonnements moins énergétiques, et donc vous allez même émettre jusqu'à l'infrarouge. Donc plus vous vous éloignez, plus ça se refroidit, plus vous vous rapprochez, plus c'est chaud. Et donc vous utilisez en fait toute la gamme de lunettes disponibles dans le spectre, donc de l'infrarouge jusqu'aux X, et peut-être même au gamma, pour aller voir ce qui se passe dans l'objet. Tout à fait. Un disque d'accrétion, il va émettre depuis les X jusqu'à l'infrarouge. On a parlé des jets tout à l'heure, les jets qui étaient émis par ces objets-là. Ces jets-là vont être principalement visibles en radio, mais en fait, on se rend compte qu'il y a des objets pour lesquels les jets sont même visibles jusqu'en X. Donc, c'est-à-dire que les jets deviennent visibles de la radio jusqu'aux X, c'est-à-dire sur l'ensemble du spectre électromagnétique. Et vous avez raison de dire les gamma, puisque du fait de l'interaction entre le disque d'accrétion et les jets, il y a même des gamma qui peuvent être produits. C'est-à-dire que les X vont être accélérés et former des rayons gamma. Alors on comprend que vous ayez besoin de tous ces instruments, simplement sur le plan pratique, il y a des télescopes dans l'espace, il y a des instruments au sol avec des programmes. Comment vous arrivez là-dedans, vous, quand vous apprenez que tout d'un coup il y a une éruption, et d'ailleurs comment vous l'apprenez, une éruption quelque part et que cette éruption vous intéresse? Est-ce qu'on vous offre spontanément du temps de télescope partout et vous n'avez que l'embarras du choix, et comment vous choisissez? Enfin vous voyez, comment ça marche en gros? Ce serait beau si c'était comme ça. Oui. Non, en fait ce qu'il se passe c'est que déjà on le sait, par les télescopes de haute énergie, c'est-à-dire par les télescopes X, généralement. Qui vous alertent ? Qui nous alertent, c'est-à-dire qu'ils envoient une circulaire ou un télégramme au monde entier. Attention, explosion. Voilà, attention, éruption dans cet objet-là. Alors, qui peut être soit un objet connu, soit un objet inconnu. Il peut très bien nous dire, attention, cet objet-là, par exemple GRS 1915 plus 105, est en train d'avoir une éruption. Et généralement, il donne le flux qui est émis, donc la brillance de l'objet, et ils finissent leur télégramme en disant on encourage les observations à multilongueur d'onde. Ça peut être aussi un objet inconnu. C'est-à-dire, à ce moment-là, ils disent il y a dans la direction, ils donnent les positions, ascension droite, déclinaison, mm-hmm. un objet qui a tel flux, il n'y a aucune information de plus. Et on a aussi ce qui est donné comme information, c'est une erreur sur la position. C'est-à-dire qu'ils donnent une position, mais les télescopes X, et encore pire pour les télescopes gamma, sont pas très précis en localisation. En gros, par exemple, l'un des télescopes qui est actuellement en vol et qui observe en X et gamma, il s'appelle Intégrale. Ce télescope-là donne des positions en X précises à 2 minutes près. La taille de la Lune, c'est 30 arcs-minutes. Donc c'est 4 fois plus. Ben, c'est même, fois plus large, quoi. Ouais, c'est même un peu plus que ça, mais en gros, c'est... donc si vous avez une précision de cet ordre-là que vous pointez n'importe où dans le ciel, eh bien vous allez avoir plein d'étoiles. Oui. Donc après, il faut arriver à retrouver votre petit dans toutes ces étoiles-là, et c'est pas facile. Et alors, souvent les alertes Vu que maintenant on a de plus en plus de télescopes qui sont de plus en plus sensibles, oui, on a de plus en plus d'alertes. Cela dit, un télescope comme Intégrale n'a pas eu beaucoup de chance, parce qu'on est dans une période où il y a moins d'objets découvert qu'auparavant. On ne sait pas trop pourquoi. Un télescope précédent, en fait, qui s'appelait Sigma, qui observait aussi dans les X, a vu beaucoup plus d'objets de ce type-là. Alors, vous êtes alerté sur une éruption. Qu'est-ce que vous faites et comment vous décidez du choix de votre destination? Alors, généralement, ce qu'on fait en premier, c'est qu'on regarde dans les catalogues. Il y a des catalogues, par exemple, il y en a un qui s'appelle TOMAS, qui est un catalogue d'observation infrarouge. On regarde principalement dans l'infrarouge parce que ces objets-là sont souvent vers le centre de la galaxie ou dans le plan de la galaxie, car c'est là qu'on trouve des objets qui sont des étoiles en fait, qui sont les plus vieilles et donc qui vont se transformer en objets compacts. Et donc on regarde en infrarouge, donc on regarde dans le cercle d'erreur qui nous a été donné par les télescopes X, on essaie de repérer quels sont les candidats possibles. L'autre possibilité, c'est de faire l'observation radio au moment de la période d'activité, donc là, le plus rapidement possible après l'alerte. On regarde en radio et là on essaie de repérer s'il y a une source radio transitoire, c'est-à-dire qui est là actuellement mais qui n'était pas là avant. Ça veut dire quoi, regarder en radio? C'est quelle radio? Alors regarder en radio, ça veut dire qu'on principalement on va regarder au VLA au Nouveau-Mexique ou avec le télescope ATCA qui se trouve en Australie, dépendant de la position de la source dans le ciel en fait. Et on va essayer de voir comme cela avec ces interféromètres radio s'il y a une source radio dans le champ ou pas. D'accord. Donc premier élément, c'est détecter l'objet à coup sûr pour être certain que c'est là que ça se passe. Voilà, tout à fait. La première difficulté, c'est d'avoir une position précise. Et ensuite, on peut faire des observations dédiées en infrarouge ou en optique sur des gros télescopes, 4 mètres, 8 mètres. Et là, on essaie de repérer une source variable dans le champ. C'est-à-dire qu'on essaie de voir une source qui n'était pas là avant. C'est pour ça que c'est important de regarder d'abord dans les catalogues pour voir un peu le champ. Et après, on compare le champ qu'on vient d'acquérir avec les champs précédents. Et là, on voit s'il y a quelque chose ou pas. 4 mètres, 6 mètres, ça restreint le champ des télescopes potentiels. Donc c'est Chili... C'est principalement Chili, Hawaï, en fait. Ah ouais. Enfin, pour les Européens, c'est principalement ça. Alors évidemment, les télescopes, ou les gens qui sont sur les télescopes, les gens qui observent, ont, au moment de l'éruption, les astronomes qui sont en train d'observer, ils sont en train d'observer quelque chose qui est souvent quelque chose de complètement différent. Ils peuvent très bien être en train d'observer des étoiles ou des galaxies... Et ils ne sont pas très heureux d'apprendre qu'on veut leur prendre du temps de télescope. Ben non. Donc généralement, ça ne marche pas comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'il faut demander à l'avance du temps, quelques heures dans le semestre, parce que ça marche par semestre, les découpages de temps de télescope. Et on dit, voilà, au cas où il y ait une source qui devienne active, un trou noir, une étoile à neutrons qui devienne active, eh bien je voudrais l'observer avec tel télescope, tel instrument... etc. pendant une heure ou deux, juste pour prendre une image, un spectre, et c'est tout. Pré-réservé, en fait. Alors, c'est pas pré-réservé, on demande ça. Après, le temps, ils nous le donnent ou pas. C'est-à-dire, ils nous disent, bon, ben, soit ils nous disent, votre programme ne nous intéresse pas, soit ils disent, votre programme nous intéresse, et on vous donne 16 heures dans le semestre, donc ce que vous avez demandé. Et à ce moment-là, ben, ces 16 heures-là, on en dispose. Pas comme on veut, mais en gros, on choisit en fonction quand même de la cible. Et s'il y a une cible qui nous semble intéressante, à ce moment-là, on déclenche ce programme-là. Et là, l'astronome qui est sur place, qui étudie ces galaxies, n'a pas le choix. Il est obligé de donner 2 ou 3 heures. Il y a une limite, c'est 3 heures par nuit à l'observatoire européen austral au Chili. Donc il est obligé de donner 3 heures de sa nuit, même si c'est les trois seules heures de beau temps dans ces nuits où il a fait moche, il est obligé de les donner pour ce programme-là. Et pour accéder aux télescopes spatiaux, alors là, je dirais à la fois de Hubble jusqu'à l'infrarouge, comment ça se passe? Je dirais que le problème pour les Européens, c'est qu'on n'a pas d'accès facilité au télescope spatial Hubble, et encore moins à Spitzer, un télescope infrarouge. Et je dirais que c'est pas très très grave parce que bon, il y a l'observatoire européen austral et qu'en infrarouge optique, pour ces sources-là, il est mieux d'avoir un gros télescope qu'un télescope dans l'espace. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Il y a certains objets où on va plutôt vouloir observer en ultraviolet. À ce moment-là, on observera avec le télescope spatial Hubble. On va plutôt observer en infrarouge, on observera avec Spitzer. Donc ça dépend un petit peu du programme. Mais pour les premières observations, on veut plutôt quelque chose d'assez rapide, juste une position, un spectre pour identifier la nature de l'objet. Et à ce moment-là, on observe vraiment dans les télescopes au sol, observatoire européen austral ou à Hawaï, en fait. C'est important pour vous d'observer? Ah ben, c'est important... C'est important, c'est nécessaire pour comprendre ce qu'est cet objet qu'on vient de voir. Parce que si c'est un objet qui est inconnu, vous le regardez d'abord dans les hautes énergies en X, vous ne savez pas du tout ce que c'est. Ça peut très bien être une étoile à neutrons, un trou noir, entouré d'une étoile plus ou moins massive, vous ne savez absolument pas ce que c'est. Ça peut même être au départ une galaxie. Donc c'est pour ça qu'il faut l'observer rapidement pour pouvoir l'identifier. et le classifier dans le zoo de toutes les possibilités d'objets. Ça peut conduire à la découverte. Vous avez vous-même découvert un type d'objet avec intégrale, si mes souvenirs sont bons, tout à fait. Qui est très original. Vous pouvez me raconter ce que vous avez trouvé? Oui, alors ça, ce ne sont pas des micro-quasars, mais c'est un système binaire très spécial qui a été révélé par le satellite intégral, mais j'ai dû évidemment l'observer dans d'autres longueurs d'onde parce que l'intégral ne suffisait pas, en particulier du fait de la localisation, etc. Mais c'est donc un système binaire qui est formé d'une étoile super géante, donc une étoile qui fait 1 million de fois la luminosité du Soleil, 40 fois la masse du Soleil, et qui fait à peu près 10 fois la taille du Soleil. C'est un monstre. Donc c'est un monstre. Les super géantes, c'est des monstres dans la galaxie. Et là, c'est une étoile, en plus, qui émet, enfin, qui a un vent très fort, et ce vent très fort forme un sorte de cocon de poussière tout autour. Et à côté de cette étoile, il y a une étoile à neutrons qui orbite, et qui orbite à l'intérieur du cocon de poussière. Donc elle est constamment dans le cocon de poussière, et elle accrète la matière sous forme d'un vent. Donc ça veut dire que c'est une accrétion sphérique, donc c'est pour ça que là on ne peut pas créer de jet, puisque avec l'accrétion sphérique on n'en crée pas, c'est seulement avec l'accrétion par disque. Et en fait, ce qui est très étrange, c'est que si on a une étoile à neutrons qui se trouve orbitée autour d'une étoile supergéante, ça veut dire, a priori, qu'au départ, on avait un système double d'étoiles avec deux étoiles très très massives, donc deux monstres, en fait, dans la galaxie, qui tournaient l'une autour de l'autre. Et donc ça, c'est la première fois qu'on voyait un couple aussi extraordinaire. Jusqu'ici, on voyait plutôt étoile à neutrons ou trou noir, mais à côté d'une étoile assez banale, en fait, qu'elle était en train de, que le trou noir ou l'étoile à neutrons était en train d'attirer, de happer la matière. Là, c'était la première fois qu'on voyait une étoile aussi extrême, avec ce cocon de poussière-là qui entoure à la fois l'étoile et l'objet compact. Je présume qu'il y a une excitation de la découverte quand vous vous rendez compte de ce qu'est cet objet, que c'est un nouvel objet. Enfin, ça doit être quelque chose de fascinant pour vous. Oui, c'est assez fascinant, et d'autant plus que c'est un objet qui... Moi, je dis souvent qu'il est assez pudique, parce qu'il y a ce cocon de poussière qui est très dense, et ce qui fait que l'objet, donc on l'a d'abord découvert avec intégrale, après on l'a observé dans le visible, on ne voyait rien du tout. On l'a observé en infrarouge, et là il commençait à devenir brillant, parce que l'infrarouge est moins sensible, en fait, à l'absorption du rayonnement dû à la poussière. Et donc cet objet-là, il est invisible dans les longueurs d'onde visibles, et il devient très très brillant en infrarouge. Donc c'est assez étonnant, parce que c'est en fait avec l'infrarouge qu'on arrive à percer ce cocon de poussière, et si on va à des longueurs d'onde plus grandes, par exemple avec Spitzer, avec le satellite Spitzer qui observe en infrarouge, qu'on appelle moyen, là l'objet devient extrêmement brillant, parce que c'est tout le cocon de poussière qui va se mettre à émettre en infrarouge. Donc c'est ça qui est assez étonnant, c'est que généralement les objets type micro-quasar, moi j'en ai étudié beaucoup, on les voit principalement en optique, mais après en infrarouge ils commencent à être moins brillants, et puis ensuite plus on s'éloigne des rayons X, moins ils deviennent brillants. Et là, c'était le contraire. La panoplie d'observations pour ce type d'études, finalement, c'est un concentré, là aussi, de tous les moyens de l'astronome moderne, des longueurs d'onde radio jusqu'au gamma. En fait, vous avez toute la panoplie, vous utilisez toutes les lunettes disponibles aujourd'hui en astronomie pour observer cela. Exactement. Et en fait, on ne peut plus dire maintenant qu'on est un astronome infrarouge ou radio ou X, parce qu'il faut... Il faut en effet observer à toutes les longueurs d'onde pour comprendre les objets. C'est un peu ce qui fait la difficulté de cette étude. Mais en même temps, c'est intéressant et c'est assez fascinant, assez excitant d'utiliser beaucoup de moyens sur Terre ou dans l'espace pour comprendre un objet. Je ne sais pas si l'objet le sait, mais je pense qu'il sera assez flatté de voir qu'il y a autant de télescopes qui sont en train de le regarder. Merci Sylvain Chatty d'être venu nous parler de ces recherches. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment au prochain épisode.